Bonjour amis lions, ascendant lion, je suis heureuse de vous retrouver pour effectuer votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours en octobre 2023. Alors quel va être le message? Je m'adresse aux célibataires et aux couples, on va regarder cela ensemble. C'est parti. Lion, lion, lion, octobre. Mais écoutez, apparemment, la coupe, elle est très sympathique. Vous allez retrouver des gens, discuter, voir du monde. Peut-être retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. À voir. De toute façon, cela donne une coloration. En tout cas, la coupe, elle indique qu'il faut aller vers les autres et communiquer. Puisque cela apporte de l'épanouissement de votre vie amoureuse. Il y a déjà un conseil. Alors, en détail, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, pour les couples, si ça n'a, il y a des couples qui ne vont pas hein, chez les lions. On attend des choses, on attend que l'autre fasse certaines choses, mais l'autre n'agit pas comme on le voudrait. On ne sait plus trop quoi penser de l'avenir du couple. On a vraiment l'impression de ramer. Et par contre, bon, ben, par rapport au passé que l'on a vécu ensemble, mais aussi à la famille, si on est en famille, eh bien, on n'a pas envie de tout détruire, mais les choses ne sont pas évidentes. Donc, dans ce cas-là, je vais quand même en retirer une. Ben, ça rejoint la coupe qui indiquait qu'il fallait absolument communiquer, discuter, ne pas bouder dans son coin, et pourquoi pas se concocter une petite sortie entre amis ou entre amoureux, si c'est possible. Les choses doivent venir de vous, puisque apparemment votre partenaire ne va pas trop se bouger. Il faut accepter, mettre un peu sa fierté de côté et accepter vous-même de relancer un petit peu la relation amoureuse entre vous différemment. Voilà, pour les couples pour qui tout allait bien, eh bien au mois d'octobre ça risque d'être un peu moyen. Justement, j'ai l'impression que votre partenaire ou vous-même, mais j'ai l'impression que c'est plus le partenaire, la partenaire qui est très occupée. Du coup, ben les événements heureux que vous pensiez partager, ben ne sont pas au top ou ne s'organisent pas comme vous le pensiez. Mais encore une fois, pas d'inquiétude, vous en parlez, vous reportez si nécessaire et vous allez vous retrouver de toute façon dans la joie par la suite. Et pour les célibataires, eh bien, ce n'est pas le moment de la rencontre, vous l'avez compris. Par contre, bon, continuez de ne vous enfermez pas, une fois de plus, continuez de voir du monde, mais c'est vrai que le mois d'octobre, il peut entraîner une attente vaine et une certaine déception. Donc n'attendez pas de rencontres particulières au mois d'octobre, mais par contre, voyez le bon côté des choses au niveau des relations autres. Des relations amicales, même des connaissances, des collègues qui boivent un verre après le travail, tout ça, c'est pas... ici, il s'agit d'un réseau relationnel beaucoup plus large, donc sortez, ça va vous apporter des bons moments, voilà. En gros, ne vous prenez pas trop la tête à ce niveau-là, ne cherchez pas à rencontrer l'âme sœur en octobre et tout ira bien. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'octobre.